Activité 8 et 9. Vous êtes vraiment très nombreux à nous appeler pour la chanson dédicace. Et j'ai en ligne maintenant Patricia, je pense. Oui, bonjour Thierry. Bonjour Patricia. Vous avez sélectionné la chanson de Carla Bruni, Raphaël. Belle chanson. Alors dites-nous, pourquoi vous l'avez choisie ? Eh bien voilà, c'est pour mon compagnon. Et votre compagnon, il s'appelle Raphaël. Oui, exactement. On s'est rencontrés il y a 10 ans, au moment où cette chanson passait tout le temps à la radio. Ah, c'est donc l'anniversaire de votre rencontre. Racontez-nous, Patricia. Eh ben, c'était à un dîner chez un ami. J'étais assise à côté d'un beau jeune homme. On ne se connaissait pas et on avait seulement un ami commun. Et ça a été le coup de foudre ? Ben non, justement. On a simplement échangé quelques mots, mais il ne s'est rien passé. On ne s'est pas revus pendant 6 mois. Puis de nouveau, on s'est retrouvés chez cet ami commun. Et c'est seulement ce jour-là que j'ai appris son prénom. Et on ne s'est plus quittés. Et comment allez-vous célébrer cet anniversaire ? On va faire un grand voyage. On part dans 3 jours. Dans 3 jours ! Super ! Alors, on écoute la chanson de Carla Bruni pour Raphaël et Patricia. Merci Patricia et bon voyage à vous deux. Au revoir Thierry, merci. 4 consonnes et 3 voyelles, c'est le prénom de Raphaël. Je le murmure à mon oreille et chaque lettre m'émerveille. C'est le tréma qui m'ensorcelle dans le prénom de Raphaël. Comme il se mêle au A, au E, comme il les entremêle au L, Raphaël.